J'ai pas le charisme, Massoud ou Mandela. J'suis juste moi, un enfant de quartier. Une vendetta avec des rimes comme mortier. Un petit état qui grandit dans le crash à l'époque. Mon nom, le flingue préféré des blocs. Le black, Micmac, l'époque, Mad Max. La voix de Mars, un père d'air Max. Lâchant l'entraque sur le dernier. La plume trempée dans mes plaies pour les halls. La fin de chacune de mes faces, elles sont d'une douille tombée au sol. J'ai appris à vivre avec des plaies depuis la plaie. Dans le plat, toujours au paix quand y'a un plan ou pas. Mais faut que je pite que la famille style du F2, qu'on style du pays. Le pen a commencé, my camp 2. J'ai la rime gilette pour ceux qui partent derrière leur bas. Pour ceux qui disent que le rap est dead avec la crypto sous la cape. Mes désirs sont toujours aussi noirs que quand t'as un rap sanglant. Comme le dernier Tarantino Quentin. Marine, dis-moi si le rap est mort. Mon bloc, mon bic, mon mic, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Marine, mon bloc, mon son, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Soprano, je ne viens pas sauver le rap. J'suis dans mon univers quand je gratte. Je sais que les refrains veulent des claques. Universal veut des plaques. Les temps se gâtent, même les pointures on le track. Et tous les nœuds jouent dans les blocs. Commence à croire qu'on est black. Voilà des actes. Sopra et moi je crois qu'on est dacte. Mon rap fait bang comme Black V. Boum boum comme Django Jack. Yeah. Appelle-moi M sur Rocco Black. J'ai le barreau qui me gratte. Et là j'ai hâte de prendre le rap à 4 battes. Alors j'éclate. J'ai connu la trim et les pattes. Garçon, tu gardes quand tu mets à place. Et les strings dans les bacs. C'est de 004. L'année de mon 4-4. Mon album dans les charts. 91 sur mes plaques. Yeah. C'est l'heure du crime. 3 packs. Je grille les étapes. Je maîtrise mes cartes. Qui à présent je vise et le chat. Clac. Le rap et moi c'est comme le bise et le cash. Lise et chat. Respecte ça comme Biggie et Pac. T'es mon chemin. Mon marine. Dis-moi si le rap est mort. Mon bloc, mon big, mon white, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Marine, mon bloc, mon son, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. À la bouche pas de Marie Jeanne, que les pieds de Jackie Chan. Ton mauvais dentifrice vu que tu ris jeune. Sopra et moi on est trop puissant. Tu testes, nous on est suissant. On pète sans prendre le chiche. On mate les becs sous le tige. Et oh ma bonbonne d'oxygène. C'est le rap d'indigène. Depuis que Bush est devenu le barbier à Houston. Juste un mic calibre 12 caché dans ma blouse. Quand je rappe avec mon cousin, parle pas le son de bouse. Là je te fais des bisous, tu capes mon côté groovy. C'est tac tac comme Zizou la patte de Laurent Voulzy. Et le flow de démon chemin révolutionnaire. Tu croyais que c'était crâne et maintenant t'as perdu le sommeil. C'est dead, on va saigner le hip-hop. Traîner, réveiller, fais le hip-hop. Je vais être le premier dans le top. Ma clique, ma eyes, mon ghetto, mon groove. Ma classe, ma foi, mon béton, mon hood. Mr. Hole Gang. Marine, dis-moi si le rap est mort. Mon bloc, mon beat, mon white, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Marine, mon bloc, mon son, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Soprano, business un jour on va le saigner. Mon Marine, dis-moi si le rap est mort. Mon bloc, mon beat, mon white, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Marine, mon bloc, mon son, ma voix. Dis-moi si le rap est mort. Rebelle, show business un jour on va le saigner. Hey Freddy, c'est ça. C'est 4, ok. C'est ça. Unité, faut arrêter de dire que le rap est mort, merde. Faut qu'on avance, tous ensemble, dans le même sens. C'est ça. Ok, ok, ok. Pas de sens, rien à foutre, ok. Show business, un jour on va le saigner.